Chapitre 2. Il va à la grande maison. Le domestique du locataire arriva à l'ermitage de bonne heure le lendemain matin dans une petite voiture de Roxborough pesamment chargée de bagages. D'autres bagages devaient arriver dans le courant de la journée. Des caisses de livres, une baignoire, des malles et des porte-manteaux de toute espèce. Ponsford avait évidemment l'intention de s'établir pour quelque temps à l'ermitage. Le domestique était bronzé comme son maître, grave comme son maître, et à peu près du même âge que son maître. Mais là finissait la ressemblance qu'il y avait entre eux. Le domestique, quoique généralement réservé dans ses discours et dans ses manières, pouvait s'en relâcher à l'occasion et révélait un caractère gai, sinon un tempérament jovial, ce que son maître ne faisait jamais. Si Ponsford souriait, son sourire était évidemment un sourire de politesse et ne rayonnait pas d'un feu intérieur. Un observateur très superficiel pouvait découvrir que quelques grands chagrins avaient donné une teinte sombre au caractère du grave et silencieux gentleman, qui avait depuis peu pris possession du rendez-vous de chasse de Sir Gaspard. Mais George Ponsford était le dernier être de la création pour faire parade de ses impressions et de ses sentiments aux yeux des autres hommes. Il n'affectait aucune des brutalités et des brusqueries stéréotypées d'un misanthrope. Il ne prenait aucun de ces airs désagréables, familiers au théâtre, dans la personne du mari maladif et abusé de Madame Haller. Il était très tranquille, très désireux d'échapper à toute observation et de passer son existence solitaire sans être remarqué. La tristesse de l'ermitage, devant laquelle avaient fui avec épouvante tant de gens, qui n'aurait pas demandé mieux que d'en être locataire, était une attraction pour lui. Établi dans ce parloir bas à l'ancienne mode, avec ses caisses de livres déballées, dont les volumes à dos brun foncé étaient rangés sur des tablettes proprement posées et fixées par un menuisier de Roxborough, pourvu d'une perpétuelle provision de tabac turc et de sa pipe en écume de mer, son ami fidèle, le locataire de Sir Gaspard semblait parfaitement installé. Le cœur peut être brisé sans cependant que l'existence soit interrompue, s'écrit le poète, qui aime si tendrement à décrire tous nos maux réels ou imaginaires, et qui ne jouit jamais si complètement que lorsqu'il arrache les bandages de ses plus récentes blessures pour l'édification de ses lecteurs. Un homme peut avoir le cœur brisé et cependant dîner, fumer sa pipe et dormir profondément. Seulement la nuit il sera troublé de temps à autre par quelques rêves interrompus, dans lequel il sentira le contact d'une main disparue et entendra une voix jamais éteinte. Le cœur de l'homme peut être brisé, et cependant il peut continuer à vivre dans le monde. Ce ne sont pas les membres de la société les moins utiles ou les moins agréables dont les cœurs sont brisés. Le grand ressort est cassé, mais toutes les petites roues continuent à marcher. La joie pure qui rendait leur vie enviable s'est dissipée dans des ténèbres extérieures, mais ils ont encore des plaisirs sensuels, de belles maisons, des vins délicats, des porcelaines de Chelsea et de Chine, et si celui dont le cœur est brisé a un compte suffisant chez son banquier, il peut devenir collectionneur et s'adonner aux peintures hollandaises et aux théières de la reine Anne, comme cela arrive souvent. On ne vit jamais sourire Henri Ier d'Angleterre après le naufrage qui lui ravit son fils et son héritier. Mais son fidèle historien, qui nous le dit, on raconte aussi que le malheureux roi mourut d'une indigestion de l'emploi. George Ponsford, toujours calme et grave, était cependant suffisamment animé avec les gens qu'il rencontrait dans son existence simple et solitaire. Les commérages qui circulaient sur lui étaient unanimes à déclarer qu'il était tout à fait gentleman, et un des mieux élevés et des plus corrects encore, disaient les membres de l'écurie de la maison de Sir Gaspard. Ponsford était déjà depuis plusieurs mois locataire de la petite habitation rustique du bois, et il n'avait pas encore franchi le seuil de la splendide maison dont les cheminées rouges à la Tudor resplendissaient à travers le parc. Il avait soigneusement évité le voisinage de la grande maison, préférant faire ses promenades solitaires dans les profondeurs de la forêt, où quelques gardes et quelques braconniers erraient toujours, ou plus loin dans la campagne ouverte. Mais après avoir été en possession de l'ermitage à peu près durant 8 mois, une certaine affaire l'amena à l'abbaye de Scarsdale. c'était une chose extrêmement simple que ce domestique eût fait aisément pour lui. Mais Pensefort était un de ces hommes qui ont l'habitude de se servir eux-mêmes, tandis que leurs gens bien nourris jouissent de doux loisirs. Il était sorti ce jour-là avec l'intention d'aller au loin dans la campagne, en cherchant son chemin à travers le parc, qui était toujours ouvert pour lui, et il arriva ainsi tout près de la façade de l'abbaye. Ce fut alors qu'il se ressouvint que, depuis 2 ou 3 jours, n'ayant pas l'adresse de Sir Gaspard Dennison, il était embarrassé pour savoir où lui écrire, pour lui demander permission de faire quelques réparations à l'écurie située derrière l'ermitage. La grande entrée de la maison était à quelque distance de lui, mais il y avait une petite porte selon l'ancienne mode, dans une tour au bout du bâtiment, tout près de l'endroit où Pensefort s'était arrêté pour contempler la maison. Cette porte était ouverte à une femme au port majestueux, aux joues roses, aux cheveux gris, portant une robe de soie et un bonnet de mousseline blanche et un tablier à fleurs, était sur le seuil, parlant à un groom et caressant un énorme chien du Mont Saint-Bernard. Cette femme n'était ni plus ni moins que Madame Browning, la femme de charge de Sir Gaspard Dennison. Pensefort marcha droit à la petite porte et obtint promptement toutes les informations nécessaires sur l'adresse probable du baronnet. Mais il ne lui fut pas très facile d'échapper à la société de Madame Browning. Elle n'avait jamais eu, avant ce jour, l'occasion de voir le locataire de Sir Gaspard, et elle était bien déterminée à en profiter. « Ne désirez-vous pas visiter l'abbaye, monsieur ? » lui demanda-t-elle. « On vient de 100 000 pour la voir. Il n'y a pas une créature dans le comté qui ne l'ait vue. Il fait aujourd'hui un très beau temps, très brillant, dont le jour convient pour les peintures. Vous ne pouvez mieux faire, monsieur, que d'en profiter pour voir la galerie de Van Dyck et la salle à manger de Reynolds. » Après ceci et d'autres choses dans le même genre, Madame Browning continua avec beaucoup d'empressement et d'animation. « Et maintenant, mon Dieu, pensez que vous êtes depuis plus de 6 mois à Scarsdale, porte à porte avec nous, on peut dire, et que vous n'êtes jamais venu visiter l'abbaye, une des choses les plus curieuses du comté. Je suppose que c'est parce que vous avez été trop longtemps à l'étranger, que vous ne semblez prendre aucun intérêt aux paysages anglais, aux maisons anglaises et aux autres choses semblables. » La femme de charge dit cela avec un ton tout à fait sympathique, comme si elle était capable de comprendre un certain état d'âme, dans lequel la vue de maison et de peinture pouvait être indifférent à un esprit rassasié des splendeurs étrangères et de l'art étranger. Pensefort soupira en lui répondant « Non, j'aime beaucoup l'Angleterre. Rien de ce que j'ai vu autre part, ni la longueur de mon absence, n'ont jamais affaibli mon amour pour mon pays natal. » Il parlait lentement, plutôt comme une personne qui pense tout haut que comme quelqu'un qui répond à une question. Ses pensées semblaient s'égarer au loin tandis qu'il parlait, et pendant quelques moments, il regarda avec distraction dans le parc tout brillant de soleil, n'ayant sur sa figure la même ombre qu'il avait obscurcie quand il avait contemplé les bois au clair de lune pendant la soirée de son arrivée à Scarsdale. La femme de charge le regardait avec curiosité. Il y avait tant de choses en lui qui portaient à faire des suppositions, qu'elle était désireuse de profiter le plus possible de l'occasion. « Voulez-vous entrer jeter un coup d'œil sur les tableaux ? » dit-elle tout à coup. Pensefort hésita un moment et répliqua en levant les épaules avec un mouvement à demi indifférent. « Oui, si vous êtes réellement assez bonne pour désirer me les montrer. Je ne fais aucun doute qu'ils ne soient réellement dignes d'être vus. » Ce consentement indifférent était suffisant. Madame Browning se confondit en politesse et Pensefort franchit le seuil d'une maison qu'il avait jusque-là scrupuleusement évité et qu'il avait eu l'intention d'éviter jusqu'à la fin de son séjour à l'ermitage. Pensefort subit patiemment les épreuves ordinaires imposées aux curieux qui visitent une maison remarquable. Madame Browning l'accabla de cette grêle de petits faits que le cicérone fait tomber sur ses victimes. Les Van Dyck de la longue galerie à l'extrémité de l'abbaye étaient sans nul doute très beaux. Les mosaïques florentines, les grands vases indiens étaient naturellement dignes des éloges de Madame Browning, mais la seule chose qui attira longtemps les regards de Pensefort, pendant qu'il parcourait les grands appartements, fut un petit intérieur hollandais pendu à un panneau dans un coin mal éclairé d'un petit salon en boiserie. En sortant de ce salon, Ils entrèrent dans le grand vestibule dallée en marbre, pièce magnifique, mais paraissant très froide, avec son ciel en dôme peint par les lits, et ses gigantesques portraits équestres de guerriers morts depuis longtemps, ressortant sombrement sur les murs. D'énormes portes avec de massives glaces s'ouvraient sur le portique, et c'est par une de ces portes que Pauncefort avait voulu effectuer sa sortie après avoir offert un très bon pourboire à la femme de charge. Mais cette dame était décidée à le retenir plus longtemps. « Vous n'avez pas encore vu la moitié de la maison, monsieur, » dit-elle. « Oui, en vérité. Il y a encore plus de la moitié à parcourir. Vous avez vu seulement ce que Mademoiselle Denison appelle la partie historique de l'abbaye. Quelques-uns des meilleurs tableaux sont dans les appartements particuliers que les étrangers ne visitent jamais. Mais je serai heureuse de vous les montrer, monsieur, car vous n'êtes pas un étranger, comme chacun peut le dire. » Pauncefort hésita encore, puis il la suivit de nouveau. La volonté d'un homme, lorsqu'il s'agit des bagatelles de la vie, plie généralement sous celle d'une femme, n'importe ce qu'elle peut être. C'est si peu important, s'imagine-t-il, de faire d'une manière ou d'une autre, et c'est en laissant la femme établir ainsi sa souveraineté dans de petites choses que nous lui laissons gouverner l'univers. Permettez seulement à Jeanne du Barry de s'asseoir sur le bras du fauteuil du roi Louis et de tirer sa perruque de travers, et aussitôt Choiseul sera exilé et toute la France désorganisée pour le plaisir d'une favorite plébéienne. Pauncefort leva encore les épaules et suivit la femme de charge partout où elle voulut le conduire. Elle ouvrit une double porte à espagnolette et le fit passer par un long corridor où la lumière d'une grande croisée située à l'extrémité était rendue un peu moins splendide par les couleurs éclatantes des armes blasonnées entre chaque panneau de glace. Cette croisée était pratiquée dans un profond enfoncement, sur chaque côté duquel il y avait de vieux dressoirs remplis de porcelaine orientale et surmontés par de grands vases avec des mandarins. De vieux fauteuils, aux pieds frêles et aux dossiers raides et étroits, une table à jeu d'échecs, avec un assortiment de pièces en ivoire travaillé, rangées sous l'ombre d'un vitrage, était dans l'enfoncement de la fenêtre, et il était facile de se représenter un cavalier avec des boucles de cheveux tombant négligemment sur un col de guipure et sur un pourpoint de velours et une dame de l'école de E. M. Ward penchée sur l'échiquier à la splendeur des teintes de l'arc-en-ciel répandue par un soleil d'été rayonnant au travers des vitres de la vieille croisée. C'était un charmant endroit, préférable à tout autre pour une tranquille intrigue amoureuse ou pour une conversation des plus intimes. Lorsque la clarté mystérieuse de la lune répandait des rayons fantastiques sur les lambris et les parquets en chêne. C'était un endroit où la voix d'un amant devenait instinctivement un doux murmure, un endroit où un sublime oubli du passé et une parfaite indifférence de l'avenir s'emparaient de l'esprit d'un homme en y laissant seulement un délicieux sentiment de la jouissance présente, un charmant lieu de repos pour le voyage fatigant de la vie, une oasis ensoleillée où l'on se croyait toujours dans l'après-midi, une belle après-midi d'été parfumée par l'odeur mélangée des abricots mûrs et de la clématite arrivant à travers une fenêtre ouverte. La croisée donnait sur un parterre entouré de murs. On l'appelait le jardin de Mademoiselle Denison, un jardin agréable, sans prétention, à l'ancienne mode, avec des plates-bandes régulières encadrées par d'énormes bordures de buis, riches en roses, en chèvrefeuilles et en quantité de fleurs simples. De grands vieux arbres fruitiers peu nombreux étendaient leurs membres noueux jusque sur un mur tel qu'on en bâtit rarement de nos jours. Un mur soutenu par de solides contreforts en briques, mais qui semblait cependant s'être enfoncé dans la terre depuis le dernier siècle. Un vieux mur penché d'un côté, trop lourd par le fait, sur lequel des mousses grises et d'autres plantes grimpantes s'attachaient tendrement, tandis que des orpins et des digitales le couronnaient de leurs panaches jaunes et rouges. Regardant à travers une petite ouverture de la vieille croisée, Pauncefort semblait plus attiré par le vieux parterre original où les papillons jaunes voltigeaient au-dessus des roses et où une grosse abeille paresseuse faisait entendre son monotone bourdonnement dans le calice d'un grand lys blanc qu'il ne l'avait été par aucune des splendeurs cataloguées dans l'autre partie de l'abbaye. « C'est un endroit singulier et passé de mode, » dit Madame Browning presque avec mépris. « Mais Mademoiselle Marcia ne veut pas qu'on y fasse le moindre changement, pas même qu'on transplante un rosier. C'était le jardin favori de sa mère, et Mademoiselle Marcia semble tenir à toutes les choses qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées à sa maman. Vous parliez de Mademoiselle Denison tout à l'heure, remarqua Pensford, regardant toujours le jardin resplendissant. Et maintenant vous parlez de Mademoiselle Marcia. Il y a donc deux demoiselles Denison ? Non, pas maintenant, monsieur. Il y avait une autre Mademoiselle Denison, mais elle est morte. C'était une très belle personne. Peut-être pas si jolie que Mademoiselle Marcia, mais beaucoup plus belle et plus aristocratique. Elle avait tout à fait l'air d'une reine. Mais vous verrez son portrait dans le cabinet de Sir Gaspard. Ainsi, je n'ai pas besoin de vous en dire davantage là-dessus. Elle était fiancée à M. Percival Mannering, de Stoke Mannering, un des plus riches gentilshommes du comté. Mais un jour, son cheval prit peur sur la route de Roxborough et s'emporta. Elle n'était pas aussi bonne cavalière que Mademoiselle Marcia, mais elle avait du goût pour les chevaux fougueux, et j'ai entendu les grooms dire que celui-là était une vraie brute. Il la jeta sur un tas de pierres qui était sur un des côtés de la route. Elle fut ramenée à l'abbaye, et avant minuit, il y avait 5 docteurs entourant son lit, mais elle ne parla plus, ne reconnut personne, et mourut le lendemain soir, juste comme le jour tombait. Un terrible malheur pour son père. Ce fut en vérité une grande calamité, monsieur. Il était comme fou. J'étais dans la chambre quand Mademoiselle Denison mourut. Sir Gaspard était agenouillé près de son lit, tenant ses deux mains, comme s'il essayait en quelque sorte de l'arracher à la mort par la force de sa volonté. Jamais de ma vie je n'avais entendu quelque chose de pareil au cri qu'il poussa quand la pauvre fille, qui avait lutté et combattu pendant son agonie, tomba morte sur son oreiller. C'est une de ces choses qu'on ne peut jamais se chasser de l'esprit. Sir Gaspard est un gentilhomme orgueilleux et sévère, qui n'exprime ses sentiments sur rien, mais il était fou de sa fille aînée. Combien y a-t-il de temps que Mademoiselle Denison est morte ? Près de 5 ans. Sir Gaspard quitta l'abbaye aussitôt après les funérailles, et il n'est jamais revenu depuis. Quelquefois je pense qu'il ne reviendra jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi changé qu'il l'était une semaine après la mort de sa fille. Elle allait justement avoir l'âge de se marier, et son jour de naissance serait tombé à peu près un mois après l'accident. Il y avait eu de belles choses de toute manière à l'abbaye, car il avait été convenu qu'elle se marierait le jour de l'anniversaire de sa naissance et que les deux événements seraient célébrés du même coup. Il n'y avait rien de trop bon ni de trop bien pour Mademoiselle Denison, et Sir Gaspard dépensa autant d'argent et prit autant de peine pour tous les préparatifs de son mariage que s'il eût dû recevoir la reine d'Angleterre. Si quelque chose eût pu rendre la mort de la pauvre enfant encore plus triste, c'est qu'elle arriva au milieu de toute l'agitation de ses grands préparatifs. Sir Gaspard me fit appeler dans son cabinet la nuit de la mort de Mademoiselle Denison et me donna ses ordres relativement à son appartement. On devait le laisser tel qu'elle l'avait quitté. Ne rien ranger, ni un livre, ni aucun ouvrage à l'aiguille, rien de ce que sa main avait jamais touché. Les fleurs qui étaient dans les vases posées sur les tables et sur la tablette de la cheminée devaient y demeurer et s'y flétrir. La musique resta telle qu'elle l'avait laissée éparpillée sur le piano. Il me prit avec lui et nous allâmes dans son boudoir et dans son cabinet de toilette. Je n'oublierai jamais sa figure pendant qu'il promenait ses regards autour de ses pièces. Je ne sais pas pourquoi il en était ainsi, mais je sais que la vue d'un livre ouvert, avec un mouchoir de batiste posé en travers, comme si elle lui laissait tomber là nonchalamment avant de sortir, rendait plus difficile à croire qu'elle fût morte et nous avait quittés pour toujours. Sir Gaspard ferma et barra tous les volets de ses propres mains, puis ferma les portes de toutes ses chambres et me donna les clés. Ces portes n'ont jamais été ouvertes que lorsqu'il y a eu une extrême nécessité à le faire. On ne devait ni les épousseter, ni les nettoyer, ni jamais les habiter sous aucun prétexte. Et jamais elles ne l'ont été. Personne n'est jamais entré dans ces pièces que moi. Et je vous assure que lorsque j'y suis allé, il m'a toujours semblé que j'étais dans un tombeau et que j'allais voir la figure blanche de Mademoiselle Denison m'apparaître à tout moment dans l'obscurité. Mais l'autre jeune fille, Mademoiselle Marcia, comme vous l'appelez, je crois, doit avoir été une grande consolation pour son père dans son affliction, observa Pensford. Il était d'humeur paresseuse par cette chaude après-midi, et disposé à prendre intérêt à l'histoire de la famille Denison. Du reste, il aurait fallu avoir une nature très dure, pour ne pas sentir quelques mouvements de grande sympathie en écoutant cette histoire de jeunesse et de beauté soudainement flétrie par la main inexorable de la mort. La femme de charge leva les sourcils avec une expression de doute. Malgré ce que Mme Browning avait pu être à l'époque où l'abbaye était entièrement occupée et où son temps était tout à fait pris par ses occupations domestiques, elle était maintenant une incorrigible causeuse et eût été enchantée de rester pendant une heure avec Pansford dans le corridor, au soleil, à discourir sur la famille absente. « Si Mlle Marcia a été une consolation pour notre maître, » dit-elle en baissant la voix et en prenant un air confidentiel, « je n'en saurais rien dire. Je ne pourrais prendre sur moi d'affirmer qu'il en a été ainsi ou non. Vous jugerez ce qu'il en est vous-même. » Mais Sir Gaspard ne sembla point s'inquiéter de Mlle Marcia. Il était marié deux fois, comme je pense que vous l'avez entendu dire. La première fois par amour et la seconde pour de l'argent. La seconde, Lady Denison, était une demoiselle Jones, une jeune personne très riche, mais son père était quelque chose dans la cité, et les familles du comté s'étonnèrent que Sir Gaspard fît un tel mariage. La première Lady Denison appartenait à la famille de Hetherington, du château de Hetherington, une très grande famille. C'était une jeune et admirable créature, mais elle était la dernière de 9 enfants et ne possédait pas un sou. Elle mourut 15 jours après la naissance de son premier enfant, et depuis la naissance de sa fille, ou plutôt depuis la mort de la mère, Sir Gaspard sembla agir comme si sa fille Evelyn était la seule créature qui l'intéressât sur la terre. Il épousa Mlle Jones 2 ans après la mort de sa première femme. C'était, on peut le dire, une agréable et gentille personne, mais pas une de nos beautés régulières. Elle paraissait très douce et avait des manières timides et charmantes, comme si elle se fût sentie déplacée dans cette grande maison. Je ne dirai point que Sir Gaspard était mal pour elle, car mon maître est un parfait gentleman, et je ne pense pas qu'il puisse être jamais désagréable avec personne. Il paraissait ne pas la regarder comme son égale, et comme s'il ne pouvait s'astreindre à penser à elle, ni avoir pour elle la moindre attention tant il était fou de sa petite fille. Quoi qu'il en soit, la pauvre femme n'était pas heureuse. Elle ne pleurait point, ne s'agitait point, ne se plaignait point, et ne faisait rien de ce genre. J'ai entendu les domestiques dire qu'elle souriait toujours, et semblait toujours si ravie, dès que Sir Gaspard lui parlait, mais qu'elle dépérissait tout doucement, si doucement que personne ne s'effrayait du changement qui s'opérait en elle, et de sa faiblesse qui augmentait de plus en plus. Son enfant était né 1 an et demi après son mariage. Oh mon Dieu, comme elle s'attacha à ce petit baby! Mais je crois que son plus grand chagrin commença à la naissance de sa fille, car elle ne pouvait pas s'habituer à voir que son mari ne s'en inquiéta pas. 3 ans après, elle reposait sur son lit de mort, très malade et très faible, mais toujours douce, patiente et aimable jusqu'à la fin. Quelques jours avant sa mort, je l'ai entendu dire à mon maître, tandis qu'il était assis près d'elle, « J'aimerais vous voir embrasser ma petite-fille, Sir Gaspard. Et ne fût-ce qu'une fois dans votre vie, faites-moi voir cette chère enfant dans les bras de son père avant que je meure. » Sir Gaspard fit un petit mouvement involontaire et prit sa plus jeune fille sur ses genoux. Je crois que c'est la première fois que je le voyais la tenir dans ses bras depuis le jour de sa naissance. Mais je suppose que Sir Gaspard fut très fâché quand mourut la pauvre femme qu'il avait tant négligée. Madame Browning secoua alors la tête d'un air pensif. Il sembla plus étonné et plus surpris que chagrin, dit-elle. La mort de Lady Denison tomba sur lui très subitement, car il n'avait jamais paru s'apercevoir qu'elle était sérieusement malade. On avait l'habitude de voir le docteur de la famille continuellement dans la maison, soit pour l'une des enfants, soit pour l'autre. Et quoiqu'il eût soigné Lady Denison pendant les 3 années qui s'étaient écoulées depuis la naissance de son enfant, elle était si calme et se plaignait si peu qu'à peine soupçonnait-on qu'elle était mal portante. Je le savais, moi, car madame m'avait prise en affection et me faisait asseoir près d'elle quand j'allais dans sa chambre pour la consulter sur quelque chose et me garder pour me parler 1 heure durant. Le docteur Daniel m'assure que je n'ai rien, me disait-elle, rien que peu de manque de ton. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Sir Gaspard s'occuperait davantage de Mademoiselle Marcia après la mort de sa mère. Mais il ne le fit pas. Il sembla s'absorber de plus en plus dans Mademoiselle Evelyne. J'avais été plusieurs années à son service, et j'avais servi son père avant lui. Aussi avait-il l'habitude de me parler librement. « Je suis le plus malheureux des hommes, Browning, » me dit-il un jour, après la mort de la seconde Lady Denison. « Et tout ce que j'aime semble arriver fatalement à une fin prématurée. » Sa fille Evelyn était près de lui quand il parlait ainsi, et il mit sa main sur sa tête, puis leva les yeux vers elle. Je n'oublierai jamais le regard qu'il jeta sur elle. Il ne dit pas un mot, mais je sais aussi bien que si j'avais pu lire dans sa pensée que dès ce moment, son esprit eut toujours la crainte que sa fille aînée ne vécût pas. Il la garda pendant 21 ans, et semblait l'adorer chaque année davantage. Et au moment où elle lui était le plus chère, il la perdit. Il y a quelques-uns de nos gens assez méchants pour dire que sa mort fut une punition pour la manière dont il avait traité Mademoiselle Marcia. Il traitait donc mal sa plus jeune fille. Oh mon Dieu, non, monsieur. Il semblait en quelque sorte la dédaigner, comme il avait dédaigné sa mère. Il ne lui parlait jamais durement, mais il était souvent dans la chambre avec elle plus d'une heure sans lui dire un seul mot. J'avais beaucoup à faire pour surveiller les deux enfants, leur bonne, leur gouvernante, tous leurs maîtres et le reste, et dans toutes ces occasions, je ne pus me rappeler avoir vu Sir Gaspard agir d'une manière qu'on peut appeler malveillante. S'il leur donnait quelque chose de particulier pour Mademoiselle Evelyne, il semblait oublier sa sœur. Mais si je lui disais « Et Mademoiselle Marcia, monsieur ?» Il me répondait aussitôt « Oui, naturellement, faites donner à Marcia tout ce dont elle a besoin, c'est bien entendu. » Et la petite fille s'apercevait-elle du manque d'affection de son père ?« Je le pense, monsieur. Elle était très tranquille, mais pas timide comme sa mère, plutôt orgueilleuse et indépendante dans ses manières, attentive à veiller sur elle-même, et ne s'inquiétant pas d'obtenir les faveurs de personne. » Elle aimait beaucoup sa sœur et le lui témoignait en toutes choses. Elle avait avec elle des manières protectrices et tendres, comme si elle eût été l'aînée au lieu d'être la cadette. La pauvre Mademoiselle Evelyne resta un véritable enfant gâté jusqu'à la fin, et quelquefois il semblait qu'elle ne pouvait remuer ni un pied ni une main sans le secours de sa sœur. Marcia n'avait pas plus de 17 ans quand Mademoiselle Denison mourut, mais en tout elle était plus femme que sa sœur et lorsque l'accident arriva, et que Sir Gaspard fut comme fou, quand personne dans la maison n'était capable de la moindre chose, les docteurs dirent que si Mademoiselle Marcia eût été une garde-malade de 50 ans, elle aurait à peine fait mieux qu'elle ne fit. Mais Dieu me pardonne, monsieur, je pourrais vous garder ici tout le jour en discourant toujours, excusez-moi. Mais quand une vieille femme commence à parler de la famille dans laquelle elle a vécu près de 40 ans, on ne doit pas s'étonner qu'elle trouve toujours à dire. La grave et sombre figure du locataire de Sir Gaspard ne trahissait nul ennui. Il s'intéressait à cette vulgaire histoire d'enfance négligée et à cette noble nature de femme, si peu appréciée par ceux qui auraient dû la regarder comme le plus riche trésor de la terre. Il songeait que dans tous les coins du monde, il y aurait éternellement de tranquilles victimes portant leur fardeau en silence et avec douceur. Ah, quel triste univers est le nôtre! Pensait en lui-même le locataire de Sir Gaspard. De pauvres diables, à qui personne ne songe, meurt de faim silencieusement dans des caves et des galetas infectes. De charmantes femmes sont frappées par une mort soudaine dans de splendides hôtels, et toute la puissance de la richesse et de la science est trop faible pour les sauver. L'amour le plus passionné est incapable de garantir l'objet de son affection, et même une enfant innocente et inoffensive, est marquée dès sa naissance du sceau d'une malheureuse destinée. Il est appelé dès le berceau à prendre sa petite part dans l'universel drame de la souffrance. J'aimerais beaucoup avoir le portrait de Mademoiselle Marcia, dit tout à coup Bransford. La femme de charge le regarda avec étonnement. C'était de celui de Mademoiselle Evelyne dont je parlais, répliqua-t-elle. Mademoiselle Evelyne était la beauté de la famille et son portrait suspendu dans le cabinet de Sir Gaspard. Il était peint par un très célèbre artiste, je crois, quoique son nom soit sorti de ma mémoire. Mais il y a un portrait de Mademoiselle Marcia quelque part, je présume. Je ne sais pas, monsieur. Et cependant, en y songeant, oui, il y a un portrait peint par Mademoiselle Marcia elle-même. Il est dans la chambre qui servait ordinairement de salle d'études aux jeunes demoiselles. et qui après est devenu le boudoir de Mademoiselle Marcia. Elle a toujours eu un pinceau très habile et avait l'habitude de passer la plus grande partie de son temps à dessiner, à écrire et à lire. Sa sœur l'appelait toujours Bas-Bleu, car comme vous le voyez, les deux sœurs étaient très différentes. Mademoiselle Denison n'aimait que la gaieté et le plaisir, et Mademoiselle Marcia que le travail et la solitude. J'aimerais avoir le portrait de Mademoiselle Marcia. Oui, monsieur, mais vous verrez le portrait de Mademoiselle Denison d'abord, voulez-vous? On le considère comme une belle peinture, et le seul qui soit bien ressemblant. Bonsfort y consentit, et la femme de charge le conduisit au cabinet de Sir Gaspard. Belle pièce, pleine de livres depuis le parquet jusqu'au plafond, sentant le cuir de Russie et ayant quelque chose de sévère dans son ensemble. Deux bustes de marbre blanc posés sur deux piédestaux en marbre noir gardaient la porte, et un Neptune de bronze terrible et courroucé s'élevait au-dessus d'un groupe de chevaux marins emportés au sommet d'une solennelle pendule formant l'unique ornement du marbre de la cheminée. Au-dessus du Neptune était suspendu le seul tableau qu'il y eut dans la pièce. C'était le portrait d'une belle jeune femme, de la dimension d'un Kit Kat avec un profil parfait, de grands yeux noirs, et quelque chose de la régularité classique des traits et de l'éblouissante couleur qui ont été vulgarisés par une centaine de différentes productions de la même jeune femme, tantôt caressant une colombe sous le nom d'Amanda, tantôt souriant avec affectation au-dessus d'un petit enfant endormi sous le titre d'amour maternel, d'autres fois minaudant, la figure ombragée sous une coiffure orientale et s'appelant Zuleika, mais toujours gratifiée de splendides yeux noirs, de joues animées, de lèvres faisant une petite moue et d'un nez droit. Le portrait d'Evelyn Denison était la représentation d'une belle femme, mais pas d'une femme exceptionnelle. Béatrice Cenci nous regarde sa toile carrée à travers une demi-douzaine de siècles, et nous croyons en elle, et nous en avons pitié. Sa rare beauté fait une impression si forte sur notre imagination que jamais elle ne se mêle ni ne se confond avec aucune autre image. Cependant, il y a des portraits de femmes plus belles que Béatrice qui sortent de notre mémoire 5 minutes après que nous avons perdu de vue la muraille sur laquelle ils étaient pendus. Mademoiselle Denison devait être une très belle fille, dit Paransfort. Mais je m'imagine qu'elle était une de ces personnes nées pour être aimées en vain par des natures plus fortes que la leur. J'aimerais avoir le portrait de Mademoiselle Marcia. C'était la troisième fois que Paransfort exprimait le même désir. Il s'intéressait à l'histoire de cette fille qui n'avait pas été aimée. Peut-être l'ennuyeuse monotonie de sa propre existence le disposait-elle particulièrement à ressentir un tel intérêt. Ceux qui essaient de renverser l'ordre naturel des choses doivent se résigner à être punis pour leur présomption. Si Canut eût été de bonne foi lorsqu'il demandait aux vagues de l'océan de se retirer du rivage de Southampton et que le mari lui eût obéi, elle aurait reculé d'abord pour revenir avec une violence plus grande et l'aurait submergé. L'ermite qui a perdu toute sympathie pour ses semblables finit très fréquemment par se vouer à l'étude des chenilles et des araignées. Paransfort, qui avait pendant 8 mois évité soigneusement toute communication avec ses voisins, se trouvait tout à coup perdre un jour d'été entier à écouter les divagations d'une vieille femme. Il n'avait pas encore vu le portrait de Marcel Denison, et Madame Browning insista pour lui faire traverser le salon bleu et la salle couleur d'ambre, la salle de billard et le boudoir de Madame, conservant encore le nom de Madame, quoique le baronnet fût veuf depuis près de 20 ans. Il se passa quelque temps avant qu'elle l'introduisît dans une chambre à l'étage supérieur, une belle pièce exposée au soleil, ouvrant sur une longue galerie, et simplement meublée avec des chaises et des tables en bois d'érable et des tentures en perse. C'était la chambre de Mademoiselle Marcia. C'était plutôt l'appartement d'une femme de 40 ans que celui d'une jeune fille de 17. Deux énormes bibliothèques étaient remplies de livres dont le genre n'était ni commun ni frivole. Il y avait un chevalet et une pile de volumes in folio dans un des coins de la pièce, et un petit piano en cerneau en bois de rose dans l'autre. De 3 côtés, les murs de la chambre étaient ornés de cartes géographiques qui avaient appartenu à la salle d'études. Mais le mur au-dessus du manteau de la cheminée était rempli par plusieurs ébauches à l'aquarelle, toutes évidemment œuvres de la même main. Cette main n'était peut-être pas celle du génie, mais c'était celle d'une personne ayant de grandes dispositions naturelles bien cultivées. Il y avait de la vigueur et de la grâce dans le dessin de ses ébauches, et si la couleur était un peu froide et un peu pâle, les nuances toutes de convention, elle était au moins exempte de cet horrible éclat qui saisit dans les œuvres de certains artistes amateurs qui aspirent à marcher sur les traces d'Etty. Ses aquarelles étaient principalement des portraits. Il y avait celui d'un homme d'environ 45 ans, ayant un nez aquilin, les cheveux noirs un peu mélangés de gris, que Sir Ponsford considéra comme devant être Sir Gaspard Denison. Il y avait aussi plusieurs ébauches de la fille aînée du baronnet, tantôt de trois quarts, radieuse et souriante, couronnée d'une guirlande de fleurs, tantôt de profil, avec un grand œil, regardant coquettement par-dessous un élégant chapeau, tantôt de face, la figure rayonnante, sous un large feutre espagnol pour monter à cheval, ornée d'un panache de plumes de coq. Personne, en regardant ces portraits de la jeune fille, ne pouvait mettre en doute que Martial n'eût aimé tendrement sa sœur. Il semblait qu'elle n'eût jamais laissé échapper l'occasion de glorifier la beauté de la jeune morte, et chacune de ses esquisses témoignait par son fer soigneux et le fini de sa couleur que l'œuvre a été un travail d'amour. Il y avait un profil très indifféremment traité. La plus simple esquisse, avec rien qu'un peu de couleur pour lui donner du relief par-ci par-là, mais comme presque toutes les esquisses peu soignées, elle avait une vie et une vigueur qui s'étaient amoindries dans les aquarelles plus travaillées. Cette petite esquisse était le portrait de Marcia Denison, peint par elle-même. Ponsford regarda cette simple ébauche avec un intérêt pensif. Ce n'était pas le portrait d'une belle personne, mais la plus jeune fille de Sir Gaspard Denison avait ce qui manquait à la magnifique figure de sa sœur, ce charme particulier qui fait distinguer le visage de celle qui le porte de toutes les autres figures de femmes. C'était un pâle visage, avec un petit nez aquilin, un gracieux menton rond peu marqué, un large front sur lequel les cheveux étaient plantés bas, et des yeux gris foncés. Les cheveux étaient d'un brun chaud, frisant sur les tempes et retombant derrière sa petite oreille. Les contours de ses joues étaient parfaits, mais leur coloration froide et pâle. Un des plus grands charmes de l'esquisse était la courbe de son cou long et élancé comme la tige penchée d'une jacinthe sauvage. Dans l'attitude de sa petite tête et l'expression de sa mince lèvre inférieure, il y avait une mélancolie calme qui seule aurait révélé à Ponsford l'histoire de Marcia Denison lors même qu'il ne l'aurait pas connue. « J'aime mieux cette figure que celle de sa sœur, » dit-il en s'éloignant du manteau de la cheminée. « Oh mon Dieu !» s'écria Madame Browning. « Vous êtes la première personne à laquelle j'ai entendu dire une pareille chose. » Personne n'a jamais pensé que Mademoiselle Marcia fût une beauté. Ponsford sourit. « Je ne dis pas qu'elle soit une beauté, » reprit-il. « Je dis seulement que j'aime sa figure. Ce ne sont pas toujours les plus beaux visages qui plaisent le plus. Mademoiselle Denison est l'espèce de femme qu'un homme épouse par le même principe qu'il achète une paire de beaux chevaux ou loue un splendide hôtel dans Tibernia. Simplement parce que la femme, les chevaux et l'hôtel sont les meilleurs et les plus beaux de leur espèce. Mademoiselle Marcia est une femme qui peut descendre au tombeau sans avoir été mariée ni courtisée, ou elle peut rencontrer le seul homme qui, dans l'univers entier, soit destiné à l'aimer à la folie. Vous pouvez m'en croire, Madame Browning. Si jamais un homme devient amoureux de cette jeune fille, son influence se fera sentir jusqu'à la dernière heure de sa vie. Ponsford rit de sa propre véhémence en finissant son discours. Je n'aurais pas cru que je m'intéresserais comme je l'ai fait à l'histoire de cette famille, dit-il. Réellement, je vous remercie de cette agréable matinée. La femme de charge s'inclina avec politesse et sourit. Je suis en vérité très heureuse de vous avoir amusé, monsieur, et j'espère que nous vous verrons souvent à l'abbaye quand la famille reviendra au logis, dit-elle, en jetant un regard presque de doute sur la jaquette de chasse râpée de Ponsford, et en se demandant s'il possédait une toilette avec laquelle il peut paraître devant les seigneurs de la propriété. Ah, la famille va donc revenir au foyer ? Dit Ponsford, évidemment surpris. Oui, monsieur. Sir Gaspard a dit dans sa dernière lettre qu'il reviendra à l'abbaye avant Noël. Mais il a dit la même chose l'année dernière et il n'est pas revenu. Il a passé l'hiver et le printemps dernier à Rome. Et maintenant il est en Allemagne à prendre les eaux quelque part. Ah, j'oublie toujours les noms de ces villes étrangères. Et il dit qu'il reviendra avant Noël. Oui, monsieur, dans sa dernière lettre. Le locataire de Sir Gaspard était tout pensif en retournant doucement vers ce logis à travers la pelouse verte du parc éclairé par le soleil et à la demi-obscurité des bois épais. Il avait flâné près de 3 heures dans les appartements et les corridors de l'abbaye à regarder les tableaux et écouter les discours et les divagations de la femme de charge. « Eh bien, murmura-t-il, si ces gens reviennent, je dois chercher une autre retraite. Je n'ai pas envie d'être protégé par Sir Gaspard Denison, et examiné par les visiteurs et les visiteuses de Mademoiselle Marcia. Quant à elle, elle ne s'inquiéterait pas de moi et ne s'immiscerait pas dans mes affaires. C'est une jeune fille très contenue, qui ne demande de sympathie à personne et qui n'aimera que très peu de gens. D'après l'histoire de sa vie et la petite esquisse de son profil, j'imagine qu'on peut se faire une idée assez nette du caractère de cette jeune personne. » Les journaux du soir étaient sur la table quand il entra dans le parloir de l'ermitage. Pendant 15 ans, il avait voyagé dans les régions les plus sauvages et les plus solitaires de la terre. Mais pendant toutes ces années, il n'avait jamais perdu l'impérissable amour d'un Anglais pour les journaux quotidiens. Même ce jour-là, tout occupé que fut son esprit par la prévision d'ennuis possibles amenés par le retour de la famille de son propriétaire, il prit un de ses journaux en témoignant un grand empressement de voir ce qu'il contenait. Le premier journal sur lequel sa main tomba était le supplément du Times. Ses yeux parcoururent la liste des naissances, des mariages et des décès, comme si, tout ermite qu'il fût, il avait encore conservé quelque faible intérêt pour ses compatriotes. À la vue d'un nom inscrit sur la liste des morts, un sombre changement se fit sur son visage et un soudain tremblement l'agita de la tête aux pieds. Le A courant à Naples, Léonora Fane, veuve de feu le major Weldon, Paget Fane, HEICS, âgée de 41 ans. Pansford froissa le journal dans sa forte main, comme si dans cette étreinte de fer, il voulait anéantir l'inscription qui était sur la feuille imprimée. « Si celui était l'autre, s'écria-t-il, si celui était l'autre, oh mon Dieu, ce méchant souhait ne se réalisera-t-il jamais ?»